mon noir poster down. Les yeux de Laura assis au cœur du comptoir. Elle se voit là-bas, fraîche et exempte. Les freins qui serrent les portes claquent. Why do you say all of the things? Pourquoi dis-tu toutes ces choses-là? Les yeux.